J'en ai assez de tout ce qui répète les mêmes mots, les mêmes libertés. J'en ai assez de tout ce qui répète sans jamais chercher à se trouver, à se trouver. Et si tout le monde se taisait, et si je faisais ma vie comme j'ai envie. J'en ai assez de tout ce qui répète les mêmes mots, les mêmes libertés. J'en ai assez de tout ce qui répète sans jamais chercher à se trouver, à se trouver. Se taisait, et si je faisais ma vie comme j'ai envie, et si tout le monde se taisait.